Chapitre 2. L'orgueil de la science. La sévérité du marchand genevois en affaires est devenue proverbiale. Il est d'une probité rigide et d'une excessive droiture. Quelle dut donc être la honte de maître Zacharius quand il vit ses montres qu'il avait montées avec une si grande sollicitude lui revenir de toutes parts. Or, il était certain que ces montres s'arrêtaient subitement et sans aucune raison apparente. Les rouages étaient en bon état et parfaitement établis, mais les ressorts avaient perdu toute élasticité. L'horloger essaya vainement de les remplacer. Les roues demeurèrent immobiles. Ces dérangements inexplicables firent un tort immense à maître Zacharius. Ses magnifiques inventions avaient laissé maintes fois planer sur lui des soupçons de sorcellerie qui reprirent dès lors consistance. Le bruit en parvint jusqu'à Gérande, et elle trembla souvent pour son père lorsque des regards mal intentionnés se fixaient sur lui. Cependant, le lendemain de cette nuit d'angoisse, maître Zacharius parut se remettre au travail avec quelque confiance. Le soleil du matin lui rendit quelque courage. Aubert ne tarda pas à le rejoindre à son atelier et en reçut un bonjour plein d'affabilité. « Je vais mieux, » dit le vieil horloger. « Je ne sais quels étranges maux de tête m'obsédaient hier, mais le soleil a chassé tout cela avec les nuages de la nuit. »« Ma foi, maître, » répondit Aubert, « je n'aime la nuit ni pour vous, ni pour moi. »« Et tu as raison, Aubert. Si tu deviens jamais un homme supérieur, tu comprendras que le jour t'est nécessaire comme la nourriture. Un savant de grand mérite se doit aux hommages du reste des hommes. Maître, voilà le péché d'orgueil qui vous reprend. De l'orgueil, Aubert? Détruis mon passé, anéantis mon présent, dissipe mon avenir, et alors il me sera permis de vivre dans l'obscurité. Pauvre garçon qui ne comprend pas les sublimes choses auxquelles mon art se rattache tout entier. « N'es-tu donc qu'un outil entre mes mains ?»« Cependant, maître Zacharius, reprit Aubert, j'ai plus d'une fois mérité vos compliments pour la manière dont j'ajustais les pièces les plus délicates de vos montres et de vos horloges. »« Sans aucun doute, Aubert, répondit maître Zacharius, tu es un bon ouvrier que j'aime, mais quand tu travailles, tu ne crois avoir entre tes doigts que du cuivre, de l'or, de l'argent, et tu ne sens pas ces métaux que mon génie anime palpiter comme une chair vivante. » Ainsi tu ne mourrais pas, toi, de la mort de tes œuvres. » Maître Zacharius demeura silencieux après ces paroles, mais Aubert chercha à reprendre la conversation. « Par ma foi, maître, dit-il, j'aime à vous voir travaillant ainsi sans relâche. Vous serez prêt pour la fête de notre corporation, car je vois que le travail de cette montre de cristal avance rapidement. « Sans doute, Aubert, s'écria le vieil horloger, et ce ne sera pas un mince honneur pour moi que d'avoir pu tailler et couper cette matière qui a la dureté du diamant. Ah, Louis Berghem a bien fait de perfectionner l'art des diamantaires qui m'a permis de polir et percer les pierres les plus dures. » Maître Zacharius tenait en ce moment de petites pièces d'horlogerie en cristal taillé et d'un travail exquis. Les rouages, les pivots, le boîtier de cette montre étaient de la même matière, et dans cette œuvre de la plus grande difficulté, il avait déployé un talent inimaginable. « N'est-ce pas, reprit-il, tandis que ses joues s'empourpraient, qu'il sera beau de voir palpiter cette montre à travers son enveloppe transparente et de pouvoir compter les battements de son cœur. « Je gage, maître, répondit le jeune ouvrier, qu'elle ne variera pas d'une seconde par an. Et tu gageras à coup sûr. Est-ce que je n'ai pas mis là le plus pur de moi-même? Est-ce que mon cœur varie, lui ?» Aubert n'osa pas lever les yeux sur son maître. « Parle-moi franchement, reprit mélancoliquement le vieillard. Ne m'as-tu jamais pris pour un fou? Ne me crois-tu pas livré parfois de désastreuses folies? Oui, n'est-ce pas? Dans les yeux de ma fille et dans les tiens, j'ai lu souvent ma condamnation. Oh, s'écria-t-il avec douleur, n'être pas même compris des êtres que l'on aime le plus au monde. Mais à toi, Aubert, je te prouverai victorieusement que j'ai raison. Ne secoue pas la tête, car tu seras stupéfié. Le jour où tu sauras m'écouter et me comprendre, tu verras que j'ai découvert les secrets de l'existence, les secrets de l'union mystérieuse de l'âme et du corps. » En parlant ainsi, maître Zacharius se montrait superbe de fierté. Ses yeux brillaient d'un feu surnaturel, et l'orgueil lui courait à pleine veine. Et en vérité, si jamais vanité eût pu être légitime, c'eût bien été celle de maître Zacharius. En effet, l'horlogerie, jusqu'à lui, était presque demeurée dans l'enfance de l'art. Depuis le jour où Platon, 400 ans avant l'ère chrétienne, inventa l'horloge nocturne, sorte de clepsydre qui indiquait les heures de la nuit par le son et le jeu d'une flûte, la science resta presque stationnaire. Les maîtres travaillèrent plutôt l'art que la mécanique, et ce fut l'époque des belles horloges en fer, en cuivre, en bois, en argent, qui étaient finement sculptées comme une aiguillère de Cellini. On avait un chef-d'œuvre de ciselure qui mesurait le temps d'une façon fort imparfaite, mais on avait un chef-d'œuvre. Quand l'imagination de l'artiste ne se tourna plus du côté de la perfection plastique, elle s'ingénia à créer ses horloges à personnages mouvants, à sonneries mélodiques et dont la mise en scène était réglée d'une façon fort divertissante. Au surplus, qui s'inquiétait à cette époque de régulariser la marche du temps? Les délais de droit n'étaient pas inventés. Les sciences physiques et astronomiques n'établissaient pas leurs calculs sur des mesures scrupuleusement exactes. Il n'y avait ni établissement fermant à heure fixe, ni convoi partant à la seconde. Le soir, on sonnait le couvre-feu, et la nuit, on criait les heures au milieu du silence. Certes, on vivait moins de temps, si l'existence se mesure à la quantité des affaires faites, mais on vivait mieux. L'esprit s'enrichissait de ces nobles sentiments nés de la contemplation des chefs-d'œuvre, et l'art ne se faisait pas à la course. On bâtissait une église en 2 siècles, un peintre ne faisait que quelques tableaux en sa vie, un poète ne composait qu'une œuvre éminente, mais c'était autant de chefs-d'œuvre que les siècles se chargeaient d'apprécier. Lorsque les sciences exactes firent enfin des progrès, l'horlogerie suivit leur essor, bien qu'elle fût toujours arrêtée par une insurmontable difficulté, la mesure régulière et continue du temps. Or ce fut au milieu de cette stagnation que maître Zacharius inventa l'échappement, qui lui permit d'obtenir une régularité mathématique en soumettant le mouvement du pendule à une force constante. Cette invention avait tourné la tête du vieil horloger. L'orgueil, montant dans son cœur, comme le mercure dans le thermomètre, avait atteint la température des folies transcendantes. Par analogie, il s'était laissé aller à des conséquences matérialistes, et en fabriquant ses montres, il s'imaginait avoir surpris les secrets de l'union de l'âme au corps. Aussi, ce jour-là, voyant qu'Aubert l'écoutait avec attention, il lui dit d'un ton simple et convaincu « Sais-tu ce qu'est la vie, mon enfant? As-tu compris l'action de ces ressorts qui produisent l'existence? As-tu regardé dans toi-même? Non, et pourtant, avec les yeux de la science, tu aurais vu le rapport intime qui existe entre l'œuvre de Dieu et la mienne, car c'est sur sa créature que j'ai copié la combinaison des rouages de mes horloges. » « Maître, reprit vivement Aubert, pouvez-vous comparer une machine de cuivre et d'acier à ce souffle de Dieu nommé l'âme qui anime les corps comme la brise communique le mouvement aux fleurs? Peut-il exister des roues imperceptibles qui fassent mouvoir nos jambes et nos bras? Quelles pièces seraient si bien ajustées qu'elles engendrassent les pensées en nous? » « Là n'est pas la question, répondit doucement maître Zacharius, mais avec l'entêtement de l'aveugle qui marche à l'abîme. Pour me comprendre, rappelle-toi le but de l'échappement que j'ai inventé. Quand j'ai vu l'irrégularité de la marche d'une horloge, j'ai compris que le mouvement renfermé en elle ne suffisait pas et qu'il fallait le soumettre à la régularité d'une autre force indépendante. J'ai donc pensé que le balancier pourrait me rendre ce service si j'arrivais à régulariser ses oscillations. Or, ne fût-ce pas une idée sublime que celle qui me vint de lui faire rendre sa force perdue par ce mouvement même de l'horloge qu'il était chargé de réglementer? » Aubert fit un signe d'assentiment. « Maintenant, Aubert, continua le vieil horloger en s'animant, jette un regard sur toi-même. Ne comprends-tu donc pas qu'il y a 2 forces distinctes en nous? Celle de l'âme et celle du corps, c'est-à-dire un mouvement et un régulateur. L'âme est le principe de la vie, donc c'est le mouvement. Qu'il soit produit par un poids, par un ressort ou par une influence immatérielle, il n'en est pas moins au cœur. Mais sans le corps, ce mouvement serait inégal, irrégulier, impossible. Aussi le corps vient-il régler l'âme, et comme le balancier, est-il soumis à des oscillations régulières. Et ceci est tellement vrai que l'on se porte mal lorsque le boire, le manger, le sommeil, en un mot les fonctions du corps, ne sont pas convenablement réglées. Ainsi que dans mes montres, l'âme rend au corps la force perdue par ses oscillations. Eh bien, qui produit donc cette union intime du corps et de l'âme, sinon un échappement merveilleux par lequel les rouages de l'un viennent s'engrener dans les rouages de l'autre? Or voilà ce que j'ai deviné, appliqué, et il n'y a plus de secret pour moi dans cette vie, qui n'est après tout qu'une ingénieuse mécanique. Maître Zacharius était sublime à voir, dans cette hallucination qui le transportait jusqu'au dernier mystère de l'infini. Mais sa fille, Gérande, arrêtée sur le seuil de la porte, avait tout entendu. Elle se précipita dans les bras de son père, qui la pressa convulsivement sur son sein. « Qu'as-tu, ma fille ?» lui demanda maître Zacharius. « Si je n'avais qu'un ressort ici, » dit-elle en mettant la main sur son cœur, « je ne vous aimerais pas tant, mon père. » Maître Zacharius regarda fixement sa fille et ne répondit pas. Soudain, il poussa un cri, porta vivement la main à son cœur et tomba défaillant sur son vieux fauteuil de cuir. « Mon père, qu'avez-vous ?»« Du secours !» s'écria Aubert. « Scolastique !» Mais Scolastique n'accourut pas aussitôt. On avait heurté le marteau de la porte d'entrée. Elle était allée ouvrir, et quand elle revint à l'atelier, avant qu'elle eût ouvert la bouche, le vieil horloger, ayant repris ses sens, lui disait « Je devine, ma vieille Scolastique, que tu m'apportes encore une de ces montres maudites qui s'est arrêtée. »« Jésus, c'est pourtant la vérité ?» répondit Scolastique en remettant une montre à Aubert. « Mon cœur ne peut pas se tromper, » dit le vieillard avec un soupir. Cependant, Aubert avait remonté la montre avec le plus grand soin, mais elle ne marchait plus.